chaque chapelet qui est quoi faillot, chaque l'église qui est prête faillot, chaque maison qui est mon faillot, chaque aviateur qui est avia faillot, tout chapelet qui est même valeur prière, toute l'église a prêché le Christ, toute maison fait tout coucher dormir, tout aviateur a boit bouillot sous. Sans façon pour les montrer, pas grand sérieux pour collaborer. Sans façon pour les montrer, pas grand sérieux pour collaborer. Chaque chapelet qui est quoi faillot, chaque l'église qui est prête faillot, chaque maison qui est mon faillot, chaque aviateur qui est avia faillot, tout chapelet qui est même valeur prière, toute l'église a prêché le Christ, toute maison fait pour coucher dormir, tout aviateur a boit bouillot sous. Sans façon pour démontrer, pas grand essayer pour collaborer. Sans façon pour démontrer, pas grand essayer pour collaborer. Pas grand essayer pour collaborer. Pas grand essayer pour collaborer. Pas grand yèk sérieux, tout chapelet qui même prière. Qui même prière, il te met rouge, il te met jaune, il te met noir, tout qui même prière. Ou a fait ta vie à même. C'est toujours même soi. Pas jamais l'autre sou. On se rit de mon cap divisé soi, parce que ça a brûlé rond, ça a brûlé clair, tout c'est même soi. Pas de différence dans le fait sou. Parce que on se rit de nez qui remè rond. Yo remè wom. Yon lot seri pa remè wom. Parce que dou wom nan ap chauffe radiate yo. Bon seri remè clairin. Parce que dou clairin se rafraîchi. Bon lot qualité même ça avec sieve. Yo brel clairin. Avec l'ail yo brel. Pas grand yon seri. Et puis yon sel bagay mpone. De koutan de kwa kate ou long kote. Bouteille paritate. De mache bouteille. Mache bouteille. Mache bouteille. Mache bouteille. Mache bouteille. Mache bouteille. Bouteille paritate. Mache bouteille. Pas grand yon seri. Pas grand yon seri. Pas